31 du mois d'août, au 31 du mois d'août, on vit venir souvent à nous, on vit venir souvent à nous, une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, les mères de le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Le commandant du bâtiment, le commandant du bâtiment, fit appeler son lieutenant, fit appeler son lieutenant. Lieutenant, te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord? Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Le lieutenant fiers et hardi, le lieutenant fiers et hardi, lui répondit, capitaine, oui, lui répondit, capitaine, oui. Faites bras-le-bas à l'équipage, je vais viser le pavillon qui restera haut, nous le jurons. Buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Le maître donne un coup de sifflet, le maître donne un coup de sifflet, pour faire monter les deux bordées, pour faire monter les deux bordées. Tout est paré pour l'abordage. Hardi gamier, fier matelot, brave canonnier, mousse Peugeot. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Virlof pour l'off en arrivant, virlof pour l'off en arrivant. Je l'abordion par son avant, je l'abordion par son avant. À coups de hache et de grenade, de pique, de sable, de mousqueton, en 3-5 secs, je l'arrivion. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Que dira-t-on du grand Rafio? Que dira-t-on du grand Rafio? À Brest, à Londres et à Bordeaux, à Brest, à Londres et à Bordeaux, qu'a laissé prendre son équipage par un cancer de 10 canons, lui qu'en avait 30 et 6 bons. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré.